Marcel Schwab, Le Loup. L'homme et la femme, qui traînaient leurs pieds sur la route des sables, s'arrêtèrent en écoutant des coups espacés et sourds. Ils avaient été poursuivis par les deux mâtins de Tournebride et le cœur leur sautait dans le ventre. À gauche, une ligne sanglante coupait la bruyère avec des bosses noires de place en place. Ils s'assirent dans le fossé. L'homme rapetassa ses brodequins troués avec du fil poissé. La femme gratta les plaques blanches de terre poussiéreuse qui écaillaient ses mollets. Le gars était moelleux, poignes solides, des nœuds aux bras. L'autre tirait sur la quarantaine une gerce de rempart. Mais des yeux luisants et mouillés, la peau encore assez fraîche, malgré le hâle. Il grommela en se rechaussant. « On croûte encore des briques à ce soir. C'est pas saignant que tous les cagnes du patelin, des cabots de malheur, viennent nous agricher les fumerons quand on a le ventre vide. J'y foutrais rien un ferme-gueule au patron si je le dégotais. » La femme lui dit doucement. « Ne crie pas, mon petit homme. C'est que tu ne sais pas leur causer au Cap-Zir. On les laisse venir comme ça, petit, petit. Et puis quand ils sont là, tout prêts, t'as plus qu'à les gonfler. » C'est bon, dit le gars, on va pas plumer ici. Ils longèrent la route en boitant. Le soleil était couché, mais les coups sonnaient toujours. Des lumières jaunes sautaient parmi les bosses noires, éclairant çà et là des masses rougeâtres. En voilà des briques accroutées, dit la femme, chez les casseux de cailloux. On voyait maintenant des ombres se mouvoir sur les terres pleins. Il y en avait qui piochaient la terre, courbés comme des houes, tirant des cailloux rouges. D'autres les éclataient en tas avec des masses. Des enfants en bourgeron portaient des lanternes. Les travailleurs avaient un calot enfoncé sur la tête et des lunettes mistraliennes à verre bleu. Leurs sabots étaient empâtés de glaise sanguine. Un grand maigre travaillait d'attaque, le crâne plongeant dans son bonnet jusqu'aux oreilles. Il avait la figure couverte d'un loup en fil de fer noirci. Il devait être vieux. Deux pointes de moustaches grises débordaient sous le grillage. Dans le pays, on craignait les carriers. C'étaient des hommes mystérieux qui creusaient, masqués, dans la terre rouge pendant le jour et une partie de la nuit. Les entrepreneurs gageaient ce qui leur arrivait, généralement des repris de justice, des terrassiers ou des puisatiers qui variaient leur travail en luttant dans les foires, des Hercules falots en carnaval forcé. Les mioches édentées, qui venaient piétiner dans les retroussis de terre, voler les poules et saigner les cochons. Les rôdeuses de grand route fuyaient le long de la carrière, sans quoi les masques leur roulaient la tête dans les brousses et leur barbouillaient le ventre de terre mouillée. Mais les deux cheminots s'approchèrent du trou illuminé, cherchant la soupe et le gîte. Devant eux, un môme balançait sa lanterne en chantant. L'homme au loup s'appuya sur sa pioche et releva la tête. On ne voyait de sa figure que le menton luisant à la lumière. Une tache noire bouchait le reste. Il claqua de la langue et dit « Ben quoi, le trimard, ça boulotte? Quand on est deux comme ça, on n'a pas froid au ventre. N'en faudrait pour la tierce des poules comme la tienne. On a de la misère, nous autres. Ce serait assez rupin. » Les hommes se mirent à crier. Ohé, Nini, lâche ton mari. Ohé, ohé, viens te coucher. T'es rien laisse, Ernest, à enlever le reste. T'es bien pressé d'aller te plumer. Dis donc, Étienne, c'est-il la tienne? Sacré matin, v'là des rondins. Et puis les gosses se piaillèrent. Oh, c'te cafetière, elle l'a épousée pour ses croquenots. Ils sont battes. Ça coûte cher des paf comme ça, parce que ça paye des portes et fenêtres. Le gars moelleux arriva sur l'homme au loup en balançant ses poings. Il lui dit tranquillement, « Toi, je te vas asseoir du cou. Je te vas foutre un transfèrement que le mur de ton trou t'en rendra un autre. » Et il lui envoya sous le menton de brusques poussées. L'homme au loup chancela, prit sa pioche et la balança. L'autre regarda en dessous et crocha un pic à moitié enfoncé dans un tas de cailloux. « T'en veux ?» dit le carrier maigre. « Je te fais claquer la tirelire. Mon nom, c'est Lalimande. Je suis Parigot, de Belleville. Je me suis lavé les pieds à la nouvelle pour une gonzesse que je n'avais pas assez à la bonne. Ça fait qu'un soir, j'ai crevé une boutique et j'ai été paumé sur un fric-frac. Je reviens de loin. J'ai tiré 15 longes. Je m'en fous, je vais te tomber. » Alors la femme sauta sur le gars et cria. « Tu entends? Je te défends, la batterie. Il va te crever, je le connais. Je ne veux pas que tu te battes. Je ne veux pas. Je ne veux pas. » Le gars moelleux la poussa de côté. « Moi, dit-il, j'ai pas de nom. Je me suis pas connu de dame. Pareil qu'il a été sapé. C'était un maigre, mais il m'a fait solide. On y va ?» La femme criant toujours, les camarades l'enfermèrent dans un cercle. Elle déchirait les bourgerons, pinçait et mordait. Deux terrassiers lui tinrent les poings. Les combattants se cabrèrent, l'outil levé. L'homme au loup abattit sa pioche. Le gars sauta de côté. Le pic retombant rencontra le fer de la pioche qui rendit un son clair. Puis ils tournèrent autour d'un monticule, sautant de ci, de là, frappant à côté, écumant. Ils s'enfonçaient à mi-jambe dans la terre rouge. L'homme au loup y laissa ses sabots. Le pic et la pioche se croisaient. Quelquefois des étincelles jaillissaient dans la nuit quand les ferrures battaient le briquet. Mais le gars avait de la moelle. Quoique l'autre eût de longs bras, au bout desquels la pioche tournoyait, terrible, du pic il parait les coups de tête et envoyait de furieux revers dans les jambes. L'homme au loup abattit sa pioche en terre et leva les bras. « Je vais prendre mes galoches, dit-il. On a la chemise trempée. T'es un gars solide. Je te fais pardon et excuse, moi, Lalimande. » En se retournant, il passa dans le cercle des carriers et regarda la femme sous le nez. Alors, il cria un coup et sauta de nouveau sur sa pioche en hurlant. « Ah, le paillasson! Ah, tu m'as gamelé! Je te reconnais bien! Je vais te crever, ton homme !» La femme tomba en arrière, les yeux blancs. Ses bras raidis se collèrent aux hanches, son cou gonfla. Et elle battait alternativement le sol de ses deux tempes. Le gars moelleux avait repris sa parade, mais l'homme au loup attaquait avec fureur. Les fers heurtaient un thé, et le carrier maigre criait « C'est le trou sanguin ici, tu y passeras. À toi ou à moi, il faut qu'on y cloue le chêne. T'es venu pour acheter ma tête avec ta poule. T'entends, cette femme-là, elle est à moi seule. Je veux l'emplâtrer après que je t'aurai tombé. Je l'habillerai de noir. » Et le gars à la femme disait, parmi les haans du pic, grand cadavre, viens donc que je te défonce. Viens la prendre, ma femme, vilain masque. T'es trop vieux pour me ceinturer. Comme il l'appelait vieux, son pic se ficha dans le crâne de l'homme maigre. Le fer grinça sur la toile du loup, qui glissa et tomba. Le carrier s'abattit en arrière, son grand nez au vent, ses moustaches grises frissonnantes. Sur le calot noir, une tache rouge s'agrandissait, suintant par le trou du front. Tous les travailleurs crièrent « Hola !» La femme se roula vers le bruit et, rampante, vint regarder l'homme démasqué. Quand elle vit le profil maigre, elle pleura. « T'as tué ton daron, mon homme ! T'as tué ton daron !» Dans la minute, ils furent sur leurs pieds et s'enfuirent vers la nuit, laissant derrière eux la ligne sanglante de la carrière.